Portrait d'assaut sur Fadjet. Ayudar organise une soirée latino. Ça va se passer le samedi 23 septembre, salle Louis Collin à l'Axou. Et c'est en faveur des enfants des rues du Pérou. Et pour nous en parler, nous accueillons la présidente de l'association Ayudar, Élise Gonnet. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, un moment très festif qui verra aussi l'Assemblée Générale de l'association, qui est un moment un peu plus sérieux. Mais on va voir que c'est, tout ça est bien lié. Ayudar, ça a commencé en 2001. Exactement, en 2001, oui. C'était un projet qui n'avait pas véritablement vocation à grandir autant. Mais voilà, on a semé une graine et l'a poussée. Et ça a commencé quand alors? Pendant vos études? Voilà, l'historique du sujet, c'était qu'on était trois étudiants, qu'on avait bien conscience qu'on avait appris énormément de choses, chacun dans nos domaines respectifs, dans le système universitaire français, mais qu'il était temps peut-être de se confronter à la réalité des choses et puis aussi de partager ce que nous, on avait appris avec d'autres. On s'est questionné, on s'est rencontré, on a débattu. En réalité, on a mis en place les premières règles du faire ensemble, qui ont été depuis lors les piliers de l'association. L'un d'entre nous était déjà parti au Pérou et donc avait déjà une bonne connaissance du pays et puis de la situation là-bas. Du coup, c'est parti, comme tous les grands projets d'une petite étincelle, et que, en fait, ensuite, tout s'est écrit bien plus vite que prévu. Le premier voyage a eu lieu en 2001, et après, les projets se sont succédés. Nous sommes en 2023. Ça me paraît être hier. et cette rencontre avec le Pérou, ça s'est fait comment alors? Vous aviez choisi d'aller déjà dans ce pays, ou vous en aviez déjà entendu parler avant, j'imagine, bien sûr, mais là, on va aller vers un sujet un peu abracadabrant, qui est les hasards de la vie. Ouais. Non, je pense qu'on était véritablement open sur le côté géographique de l'action. On était plus parti sur une action, faire ensemble quelque chose, faire, pas recevoir des connaissances, empiler des savoirs. On avait vraiment besoin là de se dire qu'on pouvait faire quelque chose, pas pour, mais avec d'autres. Un métissage, en fait. On avait envie, de se métisser au monde. Et du coup, comme l'un d'entre nous y était déjà allé, on a suivi la destination, mais ça aurait pu être Mobutu. Voilà, ça s'est passé là-bas. Et effectivement, je crois que, comme toujours, comme les plus grandes choses de la vie, c'est des évidences quand elles doivent se présenter. Là, il y a eu une rencontre avec le fameux centre avec lequel on travaille toujours. Ouais, c'est le Centre d'intégration des mineurs en abandon. Absolument. CIMA. Exactement. CIMA, qui en espagnol est aussi un jeu de mots qui veut dire tout en haut, NCIMA. D'accord. Et donc, les enfants qui arrivent dans ce centre, le Centre d'intégration des mineurs abandonnés, arrivent NCIMA. À CIMA. Donc il y a eu la barrière de la langue au départ, qui est devenue rapidement un jeu, puis un plaisir, une découverte, un apprentissage. Voilà, il y a eu tout ça, il y a eu tout ce qu'on voulait. En fait, je crois qu'on voulait se confronter. Mais là, on n'a pas été déçus. à un ailleurs, à un autrement. Et du coup, on l'a vécu vraiment sans filtre. C'était le principe parce qu'on était jeunes et que du coup, on n'avait pas peur. On a commencé à rencontrer ces jeunes-là en se demandant comment ils arrivaient à sortir de nulle part. C'est des enfants qui vivent dans la rue ou qui sont issus de l'extrême pauvreté. Et qui, du coup, sont dans des situations sans système social, puisqu'au Pérou, il n'y a pas de sécu, de retraite, de chômage. Enfin, tous nos systèmes à nous n'existent pas. Et du coup, la société tout entière doit s'organiser un peu entre elles, en fait. Il y a des petits tissages comme ça qui se passent au niveau local. Alors, c'est vrai qu'on a été très, très vite confrontés à un regard occidental là-dessus, qui disait, mais c'est des bouts de chandelle, c'est une goutte d'eau dans la mer. L'histoire du colibri à côté, c'est rien. Franchement, à quoi bon? Vous prenez des risques incroyables, vous donnez un temps fou. C'est vrai, ouais, c'est complètement vrai. La situation politique est instable, c'est plus que vrai, c'est plus que vérifié depuis lors. Voilà, on l'a fait parce que du coup, on a rencontré ce partenaire-là avec lequel on s'est entendu vraiment. On a réussi à mettre en place des projets absolument concrets. Un exemple peut-être de projet, on ne va pas résumer 20 ans comme bien ça. Bien entendu, mais... En fait, très égoïstement, je vais parler du premier projet que moi j'ai mené en tant que volontaire, en fait, qui était déjà d'accompagner les gamins au quotidien. C'est le truc que je jamais, on met ça dans aucun dossier de demande de subvention parce que ça n'apparaît pas, sauf que le quotidien pour ces gamins-là, c'est essentiel, se lever le matin, avoir quelqu'un qui déjeune avec toi, qui t'emmène faire du sport, enfin, c'est-à-dire marcher, parce que c'est un sport gratuit. Des règles élémentaires de vie, en fait, déjà rien que ça, et puis après, des projets qui se sont greffés, alors selon les capacités, les envies, les désirs de chacun, les aspirations, qui peut faire effectivement une sensibilisation artistique, qui peut faire du sport, qui a envie de travailler sur le corps, on a eu des ergothérapeutes, on a eu des gens qui travaillaient sur les gestes de premier secours, il y a une infinité de projets, en fait, il n'y a pas deux projets. Il y a des humains qui se disent, tiens, on a un cousin à l'autre bout du monde qui aurait peut-être envie de prendre en compte mes compétences et de tisser un truc avec. Et donc, on le fait avec eux. On ne le fait pas pour eux. Ça, c'est vraiment super important. Le modèle du centre CIMA, c'est qu'il est ouvert aux volontaires des quatre coins du monde et qu'il n'y a pas de porte. Et ça, vraiment, pour moi, c'est hyper important. Ça veut dire qu'on peut arriver à n'importe quel moment, ils n'ont rien à cacher. Première chose, l'accueil de l'extérieur. Et deuxième chose, ce ne sont pas des gamins qu'on peut retenir en les mettant en cage, quoi. C'est des gamins qui ont vécu la rue, c'est des gamins qui ont vécu des choses ultra dures, on ne va pas les enfermer, quoi. Il faut qu'ils soient là par leur propre consentement et surtout qu'ils soient acteurs de leur réhabilitation, parce que sinon ça ne marchera pas. Dès qu'on enlèvera la muselière, ils vont remordre, en fait. Donc en fait, on ne met pas de muselière à Sima. Ça, c'est merveilleux. Et plus de 20 ans après la création de l'association, il y a encore plein de choses à faire. Vous l'avez dit, la situation là-bas est encore pire peut-être qu'à l'époque. Bah, c'est très compliqué. Je crois qu'en fait, c'est une autre réalité. Je crois qu'il faut l'envisager en tant que telle. Et on a été bien inspirés de ne pas s'en mêler. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est hyper impuissants hein, par rapport à une situation géopolitique, la situation des voisins, la situation du Venezuela, qui du coup empiète sur la situation du voisin péruvien, l'Amazonie, le réchauffement climatique. Genre, comment nous, on aurait pu, avec nos six petits bras, prendre ça en charge. Donc en fait, on s'est dit, ok, tout ça est là, hein, on était très très conscients, mais nous, on va faire ce qu'on peut, tout simplement. Et puis surtout, on va le faire avec du plaisir, on va le faire avec le désir de le faire. Personne ne va nous obliger, on n'est plus à la fac, quoi. On ne va pas rendre un devoir pour jeudi, on va avoir envie. Et du coup, on a redécouvert l'envie. On s'est senti en vie. On était des étudiants blasés. Enfin, c'est quand même... Ayudar, c'est une plateforme où chacun peut, selon ses envies, agir. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Je crois que la sphère associative offre ça. C'est essayer plein de choses et le faire tout simplement comme soi on le ferait. Et pour une fois, en enlevant les barrières qu'on se met soi-même à soi-même, en fait, en se disant, bah non, c'est pas possible, le pays est en ruine, et alors le pays est effectivement dans une situation géopolitique compliquée, mais moi je peux quand même faire un truc, et puis prendre du plaisir. Ça, j'insiste, c'est vraiment une des valeurs fondamentales d'Ayudar. Et cette expérience associative, elle influe aussi sur votre quotidien, sur votre vie professionnelle aussi ? Ah non, du tout. Non, je rigole. bah oui, je pense que c'est comme toutes les grandes choses, en fait. On peut pas les ranger quand c'est l'heure d'aller bosser ou d'aller marcher. Je crois que ça... D'ailleurs, maintenant, je saurais même plus dire comment, tellement je me demande comment le métissage a agi sur moi-même. En tout cas, elle influe sur le fait que là, on se connaissait pas il y a 10 minutes, vous et moi, et on est en train de se parler derrière un micro, j'ai un casque sur les oreilles, je ressemble à Mickey. Voilà, ça influe tous les jours, en fait. Là, c'est un jour où je suis ici, demain, ce sera autre chose. Oui. Et c'est des rencontres à n'en plus finir, c'est des problèmes à n'en plus finir, mais donc, du coup, on arrête de voir ça comme un problème. On se dit, tiens, c'est le jeu d'aujourd'hui, c'est le nœud à résoudre. Et puis, on le sait que ça va être compliqué, donc du coup, on le fait vraiment avec soi-même. Vraiment, j'insiste là-dessus, je crois qu'il faut vraiment investir ce champ associatif qui nous permet d'être nous-mêmes, en fait. Et 20 ans après, je crois que ça nous a vraiment forgé tous. Alors, on était 3, on finit par être 300, et chacun, à un moment ou un autre, a pu exercer sa puissance créatrice, quoi, dans le truc. Moi qui vais faire du vélo, toi qui vas faire de la cuisine, chacun a fait quelque chose, a rencontré un autre très différent, dans un système très différent, dans un rapport au monde, au corps, à l'argent, à la pauvreté, hyper différent, en fait, à l'instant, déjà. Ça, c'est hyper important. Et dans la vie des associations, il y a des temps forts dans une année. Bien sûr, il y a des temps festifs. Il y a les temps où on réfléchit et on fait un point de l'Assemblée Générale, souvent. Mm-hmm. Où vous avez décidé de mixer tout ça. On va faire l'Assemblée Générale et on va s'amuser un peu quand même. Ouais, je vais vous dire un secret. Moi, les Assemblées Générales, c'était mon enfer au début parce que je croyais qu'il dans fallait beaucoup faire d'associations, c'est comme à la fac. En fait, je me suis dit, rendez compte. Pardon, je ne connais pas, mais je déteste ça. et puis surtout, il va falloir vendre un truc, quoi. Et du coup, dès le départ, on ne l'a pas fait comme ça. Dans Ayudar, on a vraiment souhaité en faire un temps humain de rencontre, parce que ça s'est déployé partout en France, en fait, très rapidement. Du coup, on a délégué, on a fait des commissions géographiques, des commissions thématiques, bref, Ayudar a grandi. Et là, pour le coup, on s'est dit, y a bien un moment dans l'année où il faut qu'on se retrouve tous, ce sera ce moment-là. Donc, on n'a pas de compte à se rendre, on va juste partager ce qui a été fait. Donc, d'entrée de jeu, c'était quand même déjà un moment pas hyper conventionnel, le truc durait 3 heures, c'était assez fou, il n'y avait généralement plus un seul œil sec dans la salle à la fin, évidemment qu'il y avait un temps avec le Pérou pendant ce temps-là. Bon, bref, on a toujours essayé de se dire si on le faisait comme on avait envie. Mais malgré tout, il faut quand même, à un moment donné, présenter des tableaux, des machins, des graphiques. Mais bon, on s'en a appris à en rigoler, en fait, de ces Pac-Man-là. Mais sauf qu'on avait loupé un truc, c'est qu'on touche quand même un sujet hyper complexe, l'enfant des rues, l'enfant drogué, l'enfant de 6 ans sans parents, enfin juste, c'est quand même un peu trashy, quoi. Et à force d'être dedans, nous, on l'avait un peu minimisé, ce truc-là. Et si on veut s'ouvrir à d'autres, à un moment, on s'est dit, mais ouais, en fait, nous, on se rend plus compte, mais c'est quand même un sujet lourd, quoi. Les gens n'ont pas forcément envie, un samedi, de venir entendre ça avec leur life à eux, le contexte actuel, etc. Donc là, on s'est dit, depuis le Covid, très clairement, on a manqué de fêtes, on a manqué de moments pour se retrouver, pour se voir, pour partager un moment vraiment sincère. Du coup, on a sauté sur l'occasion, c'était les 20 ans d'Ayudar, on est sortis de cette hibernation forcée, et on s'est dit, ok, y aller, on y va, quoi. Et là, on a organisé des projet qui était maintenant en partenariat avec une autre assoce, nos cousins festifs qui s'appellent El Sol Latino, qui eux travaillent sur tout ce qui est sud-américain, mais véritablement sur l'aspect danse, festif, culturel. Vraiment, voilà, des gens merveilleux parce qu'ils mettent du soleil en bas le sol. Hein, tu vois, le titre était éloquent. Ils mettent du soleil. Et nous, on avait un peu l'impression d'être les rabat-joie, c'est les bonnets nuits, qui cassent l'ambiance, quoi. Genre, mais il y a des enfants dans la rue. Du coup, on s'est dit, mais non, en fait, on n'est pas du tout opposés, on est complètement les mêmes. Et du coup, on s'est associé avec eux pour faire cette soirée-là. C'est la troisième édition d'une soirée super festive. Donc, bien sûr qu'au départ, on va raconter à tout le monde ce qu'on a fait pendant un an et ce qu'on compte faire l'année d'après pendant l'AG. Mais à la fin, ça se termine quand même vraiment par un moment de musique. Parce que s'il y a bien un truc dans la culture latine qui est importante, c'est la musique. Donc, on fait venir depuis 3 ans quelqu'un de Paris qui a un peu une stature genre de... au niveau de la musique, il sait un peu ce qu'il fait. Parce qu'au début, j'avais hésité à le faire, moi, mais avec mon xylophone, je pense que ça aurait fait fuir les gens. Voilà, du coup, là, il y a quelqu'un qui vient de Paris, nous, on finance ça, et à la fin, on se dit que même si on rentre pas dans nos gros sous, eh ben, ça donne du bonheur aux gens pendant une soirée. On se retrouve, et que déjà, ça, c'est super important. Après, l'idée, c'est évidemment qu'on peut aider ce centre à Lima, évidemment, par de l'amour et de l'eau fraîche, mais aussi par des projets concrets. Acheter un animal qu'ils vont élever, puis duquel ils vont se nourrir, acheter des semences pour qu'ils se nourrissent à Sima, acheter un instrument de musique pour qu'ils s'éprouvent ce truc-là. Et ça, c'est malheureusement pas avec de l'amour et de l'eau fraîche. D'où l'intérêt de ce genre de soirée, c'est que ça permet aussi, à un moment donné, de remplir les caisses du royaume. Voilà, ça fait partie du truc. Et ce temps fort, c'est donc le samedi 23 septembre, salle Louis Collin, avenue de l'Europe à l'Axou, à partir de 17h30, donc l'Assemblée Générale. Absolument. C'est ça, et après, ça s'enchaîne avec des initiations danse, la danse, on peut manger sur place aussi, exactement, un peu discuter, ouais, rencontrer, et pourquoi pas adhérer à l'association aussi. Ah mais voilà une brillante idée. Hein. Et les projets pour la sauce. Alors là, je vais pas le faire comme un dossier de demande de fonds. C'est super compliqué en ce moment parce que le contexte du Pérou est complexe. Mais il y en a des mignons parce que plus c'est compliqué et plus on rêve que le sol le soit moins. Du coup, on voudrait vraiment pouvoir envoyer autant de bénévoles et autant de volontaires qu'il y a eu dans le passé. C'est compliqué pour ceux qui sont sous contrat école ou sous convention de stage parce que le pays est un peu classé genre rouge. Faut pas y aller, ça craint. Quand c'est pas la dingue, c'est la situation géopolitique. Voilà. Du coup, on espère vraiment pouvoir réinnerver ça post-Covid. Sima est en plein dans un développement incroyable sur c'est un centre qui a mis l'écologie en numéro 1 dans ses principes, ce qui est fou, il y a déjà 20 ans, hein. Ils nous ont pas attendu du tout pour ça, et on voudrait vraiment continuer ça. Ils en sont à 5 recyclages de l'eau, ils en sont au développement de tas d'énergie, ils en sont à planter des arbres constamment. On voudrait continuer ça, qui malheureusement, tout comme le art de Ayudar, parce qu'on en parle peut-être pas assez, mais que ce soit s'émerveiller devant une œuvre d'art, c'est gratuit, danser ensemble, c'est gratuit, tout ce qui est culturel peut l'être. On a maintenant des supports qui permettent ça, mais on a toujours l'impression que c'est un peu la cerise sur le gâteau. La partie artistique, la partie écologique, c'est ce qu'on fera quand on aura fait tous les restes. Or là, nous, dans Ayudar, l'idée, ce serait de maintenir vraiment avec Sima des projets essentiels et de permettre malgré tout à ces projets écologiques, artistiques, de continuer à vivre dans un contexte économique tendu, on va pas se mentir. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite pour la suite, pour Ayudar. Merci beaucoup, Élise Connet. Pour suivre l'actualité, comment on fait? Vous êtes sur les réseaux sociaux? Vous avez un site internet? Ça a été un vrai questionnement interne de se dire, est-ce qu'on met ce temps-là à communiquer? Est-ce qu'on met... oui, bien sûr, il y a tout ça. Il y a un site internet. Et puis surtout, il y a encore la bonne vieille manière qui est de s'appeler et de se rencontrer. Parce qu'on a plein de gens qui ont vécu des choses assez abracadabrantes au Pérou, en France, ici. Il y en a certains qui sont jamais partis au Pérou, mais qui ont agi de manière constante depuis 20 ans. Bah, je crois qu'on croit encore. On est un peu old school, hein, pour un projet jeune, c'est fou, mais on croit encore à la rencontre, on croit encore au fait de se regarder, de se parler, d'échanger. Donc ça, Ayudar est constamment dans l'ouverture. On est comme toujours à la recherche de bénévoles parce qu'on a 12 millions d'idées et pas assez de bénévoles. Je crois que on n'est pas les seuls, hein. Donc bienvenue à tous ceux qui seraient un petit peu intéressés pour rentrer dans la danse. Et rendez-vous le samedi 23 septembre. Mais carrément. À bientôt. À bientôt. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.